C'est décidé, je m'envole, trop d'images dans ma tête. Laissez-moi prendre le large, faut que je m'évade. Décidé, je m'envole, en bouclant moi comme un thème. Ma tour et tout s'efface, le monde est vaste. C'est décidé, je m'envole, trop d'images dans ma tête. Laissez-moi prendre le large, faut que je m'évade. Décidé, je m'envole, en bouclant moi comme un thème. Ma tour et tout s'efface, le monde est vaste. Je rapprends début d'automne, 4 heures du mat, place du mort. La nuit, les rideaux tombent, j'ai l'âme pleine d'images, place du mot. Je pense que les mots par ses lettres, de mes plaies, je fais l'autopsie. Ici, le rap sauve l'âme, s'élève, mais rajoute-y le mot toxique. Déception, prise des risques, je marche sur les ronces des roses. C'est la crise, on use de ruse, mais plus je rappe, plus les ronces des robes. Ici, pas le train de vie est trop pâle, les trams de métro passent. Peu de taf, je connaîtrais pas ce que c'est, ce trompette, nous mettre au pas. J'ai de la merde, tu me saoules pas, les ici, les souris restent aux portes. Les larmes, le gouffre, c'est pareil, on est tous sourds, on reste au bord. Crispé, matrix, c'est pris de stress, l'atmosphère est triste. Mourir, grise, crise, vite, respirer, grosse, serre les cristas. J'pute sur une syllabe, grosse conce dans les synapses. Classique pour faire ce qu'il a versé, je prends large, après syllabe. J'pars complet mes dernières tares là, je me dépêche de rentrer. J'tire une dernière taf, après ça, j'tire un trait. C'est décidé, j'm'envole, trop d'images dans ma tête. Laissez-moi prendre le large, faut que j'm'évade. Décidé, j'm'envole, en bouclant moi comme un thème. Ma tour et tout s'efface, le monde est vaste. C'est décidé, j'm'envole, trop d'images dans ma tête. Laissez-moi prendre le large, faut que j'm'évade. Décidé, j'm'envole, en bouclant moi comme un thème. Ma tour et tout s'efface, le monde est vaste. Et je m'évade, le monde est vaste. Le temps passe et j'avance et des idées là je m'envole. Et je m'égare, donc faut que je m'efface. Pardonnez-moi si je m'éloigne de ces personnes là je m'en fausse. Et je m'évade, le monde est vaste. Le temps passe et j'avance et des idées là je m'envole. Et je m'égare, donc faut que je m'efface. Pardonnez-moi si je m'éloigne de ces personnes là je m'en fausse. Je rappe cette nuit d'automne et mes plaies s'allègent comme les branches. La nuit les rideaux tombent, j'ai les rêves salis comme mes branches. La nuit la vue s'éteint quand on s'égare en os d'un temps. La vie c'est qu'un seul tarif, creuse l'écart. On creuse ta tombe et dans ces longs silences d'été, les rêves tombent comme les cordes. Des océans de dettes et des plages de béton comme décor. Encore un soir où le silence pèse, j'ai plus de souffle, lâche la rage. Souvent l'ambulance perd, on casse la distance, lâche la rate. T'oublies ton secours quand le beat et le micro se coupe. Y'a plus personne quand les lumières s'éteignent, quand le temps fait vite on se course. Et un vivre de paix, je veux nous voir souder. On s'endort, vivre de rêve, seul on se lèvera sourd. Tous arrachés sous la peau d'orme, plus je rappe, plus la magie, fais la marche arrière un peu tonne. J'pars combler mes dernières tares là, j'me dépêche de rentrer. J'tire une dernière taf, après ça j'tire un trait. C'est décidé, j'm'envole, trop d'images dans ma tête. Laissez-moi prendre le large, faut que j'm'évade. Décidé, j'm'envole, en bouclant moi comme un thème. Ma tour et tout s'efface, le monde est vaste. C'est décidé, j'm'envole, trop d'images dans ma tête. Laissez-moi prendre le large, faut que j'm'évade. Décidé, j'm'envole, en bouclant moi comme un thème. Et je m'évade, le monde est vaste. Le temps passe et j'avance et des idées là je m'envole. Et je m'égare, donc faut que je m'efface. Pardonnez-moi si je m'éloigne de ces personnes là je m'en fausse. Et je m'évade, le monde est vaste. Le temps passe et j'avance et des idées là je m'envole.